Deuxième fragment B2, enregistré dans la cour Barnave. Deux emblèmes sonores caractéristiques de cette cour. Au dodo, Minet. Ben oui, c'est pas fin. Merci. Je